Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans la case du week-end. Nous sommes le samedi 12 septembre 2020. Merci à tous d'être avec nous sur Radio Antigone. Nous sommes partis pour une nouvelle aventure, une nouvelle émission. Je vous accompagnerai de 10h à midi tous les week-ends, tous les samedis et dimanches. Ensemble, eh bien, nous allons nous réveiller de bonne humeur pour ceux qui se réveillent tard, pour ceux qui font une grasse matinée tout simplement. Alors au programme de la musique, hein, vous allez voir, on va avoir plein de bonne musique. On aura des classiques, la playlist de Radio Antigone, et puis quelques musiques diffusées actuellement sur les radios généralistes. Donc de quoi se faire bien plaisir avec un programme très large, très ouvert. On aura de l'actualité économique, ça arrive dans 20 minutes avec aujourd'hui l'économie de nos partenaires RFI. Les actus du numérique sont toujours là, comme dans la case du soir pendant l'émission du confinement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura un éphéméride, bien sûr, l'horoscope, la météo, l'archive pub, elle aussi, cette rubrique revient, les actus des médias, bref, un peu tout, hein. Tout est là pour commencer la journée du week-end de la meilleure façon possible. Vous êtes sur Radio Antigone, merci beaucoup d'être avec nous, il est 10h. Radio Antigone. Radio Antigone, la radio à vif. Bienvenue sur Radio Antigone, comme tous les week-ends à cette heure-là, nous commençons par un journal avec nos partenaires RFI. Cet accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et Bahreïn, un accord historique selon le président américain Donald Trump qui s'est chargé d'annoncer la nouvelle sur Twitter. Fin de tournée africaine pour le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a quitté le Sénégal hier. La Turquie espère renforcer sa coopération économique avec Dakar. Face à la recrudescence des cas de Covid-19 en France, le Premier ministre évoque des accès prioritaires aux tests pour les personnes symptomatiques et les soignants. De son côté, la Suisse prend des mesures pour les voyageurs en provenance de 9 régions de l'Hexagone. Et puis en pleine crise sanitaire et économique, les députés péruviens ont lancé une procédure de destitution contre le président Martín Vizcarra. Bahreïn et Israël vont normaliser leurs relations. Un accord a été conclu hier entre les deux pays et c'est Donald Trump qui l'a annoncé sur Twitter. Accord qui sera officialisé dans le bureau ovale la semaine prochaine. Correspondance à Washington, Dan Corpé. C'est un jour vraiment historique, s'est félicité Donald Trump. Un mois après l'accord entre les Émirats arabes unis et l'État hébreu, la normalisation des relations entre Israël et Bahreïn est une nouvelle avancée obtenue sous l'égide de la Maison-Blanche et le président américain annonce déjà d'autres accords à venir. Quand je suis arrivé au pouvoir, le Moyen-Orient était dans un chaos absolu. Nous avons restauré la confiance avec nos partenaires régionaux, donc se passe des choses, vous voyez, au Proche-Orient que personne ne pensait possible. Et nous pensons maintenant que d'autres pays vont normaliser leurs relations avec Israël, et ce très rapidement. Le président a aussi fait part de son optimisme sur l'évolution des relations entre Israéliens et Palestiniens. L'accord annoncé ce vendredi permet en tout cas à Donald Trump d'afficher une victoire diplomatique importante à moins de 2 mois de l'élection présidentielle américaine et alors qu'il est confronté à des difficultés sur le plan intérieur, notamment pour sa gestion chaotique de la pandémie de coronavirus. Anne Corpé, Washington, RFI. Bahreïn est devenu le 5e pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. Une annonce qui ne passe pas en Cisjordanie et à Gaza. La classe politique redoute une marginalisation de la cause palestinienne et l'Iran accuse Bahreïn d'être complice des crimes d'Israël. Les pourparlers entre gouvernement afghan et taliban se sont ouverts ce matin à Doha au Qatar. Des discussions qui seront particulièrement difficiles tant les divergences sont profondes. Le négociateur du gouvernement de Kaboul a commencé par remercier les talibans pour leur volonté de négocier. Trouver une solution à la crise libyenne après l'annonce d'un cessez-le-feu le 21 août dernier entre le gouvernement d'Union nationale et le pouvoir à l'Est aux mains du maréchal Khalifa Haftar. Des pourparlers ont eu lieu au Maroc et à Genève. Ces rencontres se poursuivent au Caire jusqu'à demain avec une délégation de 10 personnalités de l'Ouest libyen. La Libye, sujet justement évoqué par le ministre turc des Affaires étrangères lors de sa tournée africaine. Après des étapes au Mali, en Guinée-Bissau, la visite sur le continent de Mevlut Cavusoglu s'est achevée hier au Sénégal, une visite sur fond de tension entre la Turquie et la France, qui reste le premier partenaire commercial du Sénégal. Mais Ankara veut renforcer sa coopération économique avec Dakar et mise aussi sur une influence diplomatique dans la région. Les précisions de Charlotte Hydrac. Croissant blanc sur fond rouge, le drapeau turc flotte sur le chantier de la nouvelle ambassade de Turquie au Sénégal. Bientôt, un centre culturel turc sortira aussi de terre à Dakar. Ankara mise sur une relation à long terme. Le ministre turc des Affaires étrangères, qui avait critiqué la veille des déclarations arrogantes du président français dans un vieux réflexe colonialiste, je cite, a salué hier une convergence de vues avec le Sénégal sur la situation régionale, Mevlüt Çavuşoğlu, à la sortie de son audience avec Macky Sall. Nous avons aussi eu l'occasion, évidemment, d'évoquer les questions régionales, telles que la Libye. J'ai dit qu'il fallait que l'Union africaine et les pays africains en général doivent jouer un plus grand rôle. Nous avons aussi échangé sur le Mali et nous nous sommes réjouis de voir que nos points de vue convergent totalement. Au Sénégal, les investissements turcs ne passent pas inaperçus. L'aéroport international, le centre de conférence Abdou Diouf, le palais des sports Dakar Arena. Objectif, passer à la vitesse supérieure. Amadouba, ministre sénégalais des Affaires étrangères. Dans nos échanges commerciaux, notre intention commune de porter le volume à 400 millions de dollars n'est que le constat d'un potentiel encore sous-exploité et une ambition de rééquilibrer sa balance. Déjà très présente dans le secteur des travaux publics, la Turquie affiche désormais ses ambitions dans le domaine militaire et l'industrie de la défense. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI. En France, 42 départements désormais classés rouges face à la pandémie de Covid-19. Le dernier bilan quotidien fait état de 9400 nouveaux cas et de 40 décès. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que les circuits de dépistage allaient être renforcés. Et face à cette situation, chez son voisin, la Suisse prend des mesures. Tous les voyageurs en provenance de 9 régions françaises considérées à risque doivent désormais se mettre à l'isolement à leur arrivée en Suisse. Ça concerne notamment l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mesures pragmatiques selon les autorités helvètes qui souhaitent que les frontières restent ouvertes avec la France, cher Rémi Lange. C'était la crainte depuis quelques semaines dans les villes frontalières comme Bâle et Genève que les 300 000 travailleurs frontaliers qui viennent chaque jour en Suisse soient bloqués en France. La décision aurait eu des conséquences lourdes sur le secteur de la santé notamment, hyper dépendant des professionnels venus de l'étranger. Pour le moment, aucune région voisine de la Suisse n'est classée en zone rouge. Pour les autres, la règle, ce sera la quarantaine, explique le ministre suisse de la Santé, Alain Berset. Du fait que sur la frontière, nous avons plusieurs agglomérations très importantes qui vivent par-delà une frontière internationale, c'est le cas à Genève, c'est le cas à Bâle. Sur le plan épidémiologique, c'est un peu pareil d'un côté et de l'autre de la frontière sur le plan local, donc ça pose pas de problème. Par contre, le signal pour les régions plus lointaines, c'est de dire, si vous allez plus loin, si les voyages et les déplacements sont pas nécessaires sur le plan professionnel ou bien pour une raison médicale, alors c'est inutile de prendre des risques. Et donc, s'il vous plaît, évitez plutôt pour l'instant d'aller dans ces régions. Pas question pour autant de mettre des douaniers aux frontières pour contrôler les allées et venues. Les autorités suisses en appellent à la responsabilité individuelle de chacun. Il n'y a pas d'opposition avec la France, a dit le ministre. Nous sommes tous dans le même bateau. Jérémy Lange, Genève, RFI. En France, les nouveaux maires écologistes en font-ils trop ? En début de semaine, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a qualifié le Tour de France d'événement machiste et polluant, propos qui ont suscité un tollé. Une nouvelle déclaration choc et d'un maire écolo jeudi, mais cette fois à Bordeaux. Pierre Urmic veut en finir avec le traditionnel sapin de Noël, incompatible selon lui avec le développement durable. Les précisions d'Anne Statement. Nous ne mettrons plus d'arbres morts sur les places de la ville, car ce n'est pas notre conception de la végétalisation. En mettant fin au traditionnel sapin de Noël municipal, le nouveau maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, ne s'attendait sans doute pas à un tel déferlement de commentaires. Car outre son opposition municipale, plusieurs figures nationales ont saisi la balle au bond. Police de la pensée pour le ministre Marc Fesneau, extrémisme de gauche pour le LR Éric Ciotti, rejet viscéral des traditions françaises pour Marine Le Pen. Quelques jours plus tôt, c'est un autre nouveau maire écolo qui s'attirait les foudres de la classe politique, Grégory Doucet, maire de Lyon, qui casse les codes en évoquant une grande boucle machiste et polluante. Pas sûr que Lyon sera de nouveau candidate pour accueillir le tour l'année prochaine. Alors radicalité politique ou erreur de communication, le député écologiste Mathieu Orphelin met en garde ses amis contre les mauvais symboles, les maladresses. Les anti-écolos n'attendent que ça, surtout à quelques mois des régionales, prévient-il. Un scrutin où les Verts aimeraient à nouveau marquer des points après leur percée au municipal en juin dernier. RFI 9h08 à Paris, 2h08 à Lima. Le Parlement péruvien lance une procédure de destitution contre le président Martin Vizcarra, une procédure qui intervient après la diffusion de documents compromettants dans une affaire de corruption. Les précisions de Violaine Munoz-Poilot. Avec 65 voix pour, 36 contre et 24 abstentions, le Parlement péruvien a adopté hier l'examen d'une motion de censure visant à destituer le président Martin Vizcarra en invoquant son incapacité morale. Ce vote est survenu 24 heures seulement après la diffusion d'enregistrements audio dans lesquels le chef de l'État est présenté en train de manipuler des collaborateurs en leur demandant de cacher la vérité dans une enquête portant sur une affaire de corruption. L'intéressé a rejeté ces accusations et dénoncé un complot visant à le faire tomber. Mais pour le parlementaire Roberto Chavarria du parti de droite Union pour le Pérou, le président est coupable. Nous voulons la destitution du président Vizcarra, car les enregistrements démontrent qu'il a menti au pays et conspiré contre la justice. D'autres parlementaires, à l'image de Mirta Vázquez du parti de gauche Frente Amplio, ont voté contre l'examen de la motion de censure en invoquant l'enquête en cours sur les enregistrements audio incriminant le chef de l'État. Comment est-ce possible qu'avant la fin de l'enquête, des preuves comme les enregistrements soient diffusées sans qu'on ait vérifié leur véracité? C'est irresponsable. Hier soir, aux quatre coins du pays, des Péruviens ont sorti leurs casseroles pour exprimer eux aussi leur opposition à une destitution en pleine crise sanitaire. Destitution qui sera débattue vendredi prochain lors d'une nouvelle session plénière au Parlement, à laquelle sera convié le président Martin Vizcarra pour présenter sa défense avant le vote définitif. Milouen Minos-Boileau, Lima, RFI. L'heure de la reprise a sonné pour les footballeurs anglais. Après 5 semaines de trêve, la course à la succession de Liverpool débute ce week-end dans des stades toujours privés de spectateurs. Olivier Pron. Après 2 années de domination exclusive du duo Liverpool-Manchester City, la course au titre cette saison dans le championnat le plus populaire de la planète semble plus ouverte. Chelsea et ses 200 millions d'euros investis dans les transferts notamment de l'allemand Werner et du marocain Ziyech, et Manchester United emballant dans la seconde moitié de la saison dernière avec son attaque de feu et un Pogba de retour, ont les moyens de viser le sommet. Un sommet auquel Liverpool va tenter de s'accrocher en misant sur la stabilité. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, champion d'Angleterre en juillet, pour la première fois depuis 30 ans, les caisses Reds sont pleines, mais à Anfield, on a préféré conforter un effectif en place qui a largement fait ses preuves. Cette saison qui s'ouvre à tout d'un qui tout double pour Pep Guardiola, à la tête d'un Manchester City qui, comme United, n'entrera en lice que le week-end prochain pour cause de campagne européenne prolongé en août. L'Espagnol qui espère quelques renforts en défense, son point faible, peut-être le Sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, sait qu'il ne peut se permettre une deuxième saison aussi frustrante en marquant beaucoup, mais en encaissant trop. Un exercice qui promet aussi de belles batailles tactiques, tant les entraîneurs de qualité sont là, dès ce samedi 16h30, temps universel, avec le Liverpool de Klopp face au promu Leeds de Marcelo Bielsa. Olivier Pron, est noté qu'en France, Bordeaux et Lyon ont fait match nul 0-0 hier dans la 3e journée de Ligue 1. À suivre aujourd'hui, Montpellier-Nice et Saint-Étienne. Strasbourg, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Et merci à RFI, nos partenaires, pour ce journal complet. Voici la météo de ce samedi 12 septembre 2020. En début de soirée, de la grisaille accompagnée localement de brouillard vont se former sur les départements côtiers de la Manche. Ces mauvaises visibilités sont éphémères, laissant place à un ciel variable, alternant passages nuageux et très belles éclaircies. Sur le massif alpin et la montagne corse, des averses peuvent encore tomber du ciel sous une ambiance nuageuse l'après-midi. Le tonnerre peut se faire entendre de façon isolée. Ailleurs, mis à part quelques passages nuageux sur le PACA le matin et des cumulus sur le ciel pyrénéen avec un faible risque d'averse, le temps est largement ensoleillé. Les minimales aujourd'hui descendent entre 8 et 13 degrés au nord et s'arrêtent même à 16 sur le Haut-Rhin. Au sud, le thermomètre affiche 12 à 16 degrés jusqu'à 18 à 22 sur le littoral méditerranéen. Et au fil de la journée, attention, la chaleur s'installe au sud avec 29 à 33 degrés plus au nord. Et plus au nord plutôt, il fait entre 23 et 29 degrés jusqu'à 30 en Alsace. Soyez donc prudents, évitez les insolations. Et on termine avec près de l'océan et de La Rochelle à Biarritz, les maximales ne dépassent pas 26 à 27 degrés. Il fait même frais en Bretagne et sur les côtes de la Manche avec 19 à 23. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. La case du week-end continue. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bon, on va pas se cacher que j'ai dit continue, mais on est encore au début. Merci à tous d'être avec nous. 10h14 sur Radio Antigone. Nous sommes donc le samedi 12 septembre. L'horoscope arrive dans quelques minutes. Le titre actuel, un des titres diffusés encore sur les radios généralistes, les radios musicales comme Énergie, Virgin Radio. Le titre actuel arrive, ça sera Jonas Blue qu'on écoutera. On va bien se réveiller avec ce titre, c'est Nact que l'on écoutera, et la playlist de Radio Antigone, les titres faisant partie de la playlist tous les jours, avec Lenny Kravitz, Fly Away. Ça sera après le flash de 10h30. Juste après Aujourd'hui l'économie qui arrive dans quelques instants, il y aura Laurent Garnier. Alors là, oui, si vous n'êtes pas réveillé, je peux vous dire que vous allez l'être. Ah là-bas, là, il n'y a pas photo, c'est sûr, vous allez être réveillé. En tout cas, pour vous réveiller, eh bien, nous allons écouter de l'actualité économique, puisque aujourd'hui, l'économie arrive juste avant le flash de 10h30, c'est-à-dire aux alentours de 10h. J'ai oublié tous les horaires, hein. Ce n'est rien, c'est le début. Aux alentours de 10h23, donc moins de 10 minutes aujourd'hui l'économie. Et puis le titre actuel arrive juste après Alabama Shakes, Give All Your Love sur Radio Antigone. So much is going on, but you can always come. Yeah. bien, je crois que la musique est terminée. Je suis vraiment pas réveillé, hein. C'était Alabama Shakes avec Gimme All Your Love sur Radio Antigone. Antigone, oh là là, c'est catastrophique ce matin. Ça va aller, peut-être. Je vais petit à petit me réveiller, retrouver ma voix, parce que j'ai l'impression que ma voix est tout enrouée, mais ça va aller. Il est donc 10h19, quasiment 20. J'ai un petit peu de retard. Voici votre horoscope. L'horoscope du jour qui commence aujourd'hui, eh bien, par les taureaux. Et en amour, votre énergie dynamise, votre couple, tout va très bien. En niveau argent, vous serez très efficace et compétent et vous parviendrez à résoudre des problèmes délicats. Vous allez gérer habilement vos finances. Niveau santé, il va falloir trouver un moyen d'échapper au stress. Passons aux Gémeaux, et pour l'amour, il y aura de grandes chances pour que l'on succombe à votre charme. Si vous êtes célibataire au niveau argent, et vous allez avoir intérêt à noter toutes vos dépenses, même si cela vous demande un terrible effort, vous éviterez ainsi de gros problèmes à la fin du mois. Santé, donnez votre préférence à une cuisine simple et naturelle à base de produits très frais et d'excellente qualité. Les cancers, votre amour vous rend entreprenant, toutes les initiatives viendront de vous et vous en serez heureux. Au niveau argent, ce sera une journée où vous aurez intérêt à tenter votre chance à quelques jeux de hasard ou éventuellement à réclamer une prime. Niveau santé, votre appétit suit le rythme de vos émotions. Cette fois, il faudra en finir avec un mauvais penchant. On passe maintenant aux lions. C'est un petit peu compliqué pour les lions au niveau amour. Gare au mauvais jeu, ne cherchez pas à provoquer la jalousie de votre partenaire. Argent, la présente configuration astrale implique toujours un certain manque de chance. Tout se passera comme si vous ne saviez pas décider où agir. Et santé, sur le plan purement physique, vous serez en pleine forme, mais vous serez à l'abri d'ennuis de santé. Mais soyez tout de même prudent pour ne pas être trop nerveux aujourd'hui. Les vierges, en amour, une décision importante sera prise aujourd'hui. Au niveau argent, c'est plutôt bon, hein. Vous serez en mesure de fructifier vos ressources. Niveau santé, ni la bonne humeur, ni le tonus vous feront défaut. Les balances, au niveau argent, vous êtes sur le point d'effectuer une importante transaction immobilière. Vérifiez soigneusement que tout est bien en règle pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Sur le plan santé, tout va très bien. Régularité dans vos habitudes de vie. Aucun problème de santé à signaler. Les scorpions célibataires, vous serez à la croisée des chemins, partagés entre vos impulsions irrationnées et le besoin de vous stabiliser. Au niveau argent, ceux d'entre vous qui ont sagement géré leur budget dernièrement pourront s'offrir sans risque un petit cadeau. Et côté santé, les astres vous ficheront une paix royale, tout va bien. Voilà, faites-vous plaisir, faites du sport si vous le souhaitez. Et on passe au Sagittaire. Vous craignez parfois pour votre avenir au niveau argent, à tel point que vous éprouvez certaines difficultés à profiter du présent. Mais rassurez-vous, aucun problème. Profitez de cette belle journée ensoleillée de ce 12 septembre. Les Capricornes, eh bien, rien à signaler. Votre équilibre budgétaire sera stable. Votre énergie vitale sera un petit peu en baisse, mais rien de très méchant. La solution sera de dormir davantage. Les Verseaux, eh bien, votre santé financière dépendra uniquement de votre comportement et vous n'aurez pas trop de mal à trouver un bon équilibre. On termine avec les Poissons. Changement de situation pour les célibataires. Vous pourrez envisager une amélioration de vos relations amoureuses si vous venez de faire une rencontre. Argent, eh bien, à la faveur des bons aspects de Mercure, vous pourrez effectuer des transactions fructueuses, mais soyez vigilants. Voilà pour votre horoscope du jour. Il est 10h23. Voici le titre actuel de Radio Antigone. Le titre actuel. Allez, on repart en musique sur la radio à vif, 10h24. Comme tous les jours, je vous propose une musique diffusée actuellement sur, toutes les musiques, toutes les radios généralistes, les bonnes radios. Donc une musique assez récente pour bien se réveiller avant de parler économie avec nos partenaires d'RFI. Voici Jonas Blue. You only say you love me when you want me when you're laying on my bed, don't go. little figure. Silhouette set me off like a trigger. Goddamn, I'm the man when I'm with her. Think I'm falling, but I know I can't tell her. She got a mind that can change with the weather. She'd even eat me alive if I let her. Jonas Blues à l'instant sur Radio Antigone avec Nact. Et tout de suite, voici Aujourd'hui l'économie. Peut-être. Aujourd'hui l'économie. Comme tous les jours à cette heure-là, eh bien, dans cette case week-end, en partenariat avec RFI, nous allons parler d'économie. Bonjour Dominique Bayard. Une fois encore, le sort du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne semble compromis. L'usage de ce tuyau en cours de construction dans les eaux de la Baltique pourrait être remis en cause si le Kremlin refuse de coopérer à l'enquête sur l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Oui, pour la première fois, un membre du cabinet d'Angela Merkel a clairement envisagé cette menace dans ses discussions avec le Kremlin. Un changement de ton notable dans l'entourage de la chancelière. Jusqu'à maintenant, publiquement, elle a toujours refusé de faire l'amalgame entre les relations diplomatiques, certes tendues avec Moscou, et ce contrat commercial jugé stratégique pour l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne. La chancelière bouge aujourd'hui sous la pression des membres de son parti, du moins de certains membres. Le seul langage que le Kremlin comprenne, c'est celui du gaz, affirme l'un des aspirants à la succession de Angela Merkel, Norbert Röttgen, le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand. Même tonalité chez le ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate Heiko Maas, alors que son parti est traditionnellement acquis à la cause du gaz russe. Il l'a dit ce week-end à la télévision, si Moscou... Ah, alors, petite coupure de connexion malheureusement avec Dominique Bayard, mais ce n'est rien. Le gazoduc Dominique est quasiment terminé. Il pourrait entrer en service dès l'an prochain. Est-ce crédible d'envisager sa mise à l'arrêt ? Oui, eh bien écoutez, vu les montants déjà dépensés, 12 milliards d'euros pour ce chantier dirigé par les Russes. Gazprom détient 50% des parts de la société, mais bien d'autres entreprises européennes sont impliquées, les Allemands Uniper et Wintershall, le Néerlandais Shell, l'Autrichien EMVO, le Français Engie. Alors un arrêt total, cela provoquerait sans doute une avalanche de procédures de dédommagement pour toutes les entreprises concernées. En termes d'approvisionnement, l'effet est plus mesuré car ce Nord Stream 2, dans un premier temps, ne pourra pas fournir autant de gaz que son grand frère Nord Stream 1, mais environ deux fois moins en raison d'une nouvelle réglementation du marché européen du gaz. Alors, la condamnation du gazoduc serait toutefois une déconvenue pour les pays qui comptent sur cette nouvelle source de gaz, outre l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, de l'Autriche, de la Slovaquie, mais aussi il y a la République tchèque qui, elle, compte sur les royalties sur le transit du gaz destiné à tous ses voisins du Sud. Oui, alors en Europe, la Pologne et son plus farouche opposant et lance d'ailleurs des procédures contre toutes les sociétés impliquées dans le consortium pour rupture des règles de la concurrence. Le Danemark a tergiversé pendant plus de deux ans avant de donner son feu vert au tracé l'hiver dernier. Et depuis, ce sont les États-Unis qui sont à l'offensive au nom du droit américain, comme ils ont coutume de le faire. Le Suisse Allseas, expert mondial des chantiers sous-marins, a jeté l'éponge à cause des menaces de sanctions américaines. Cet été, les élus républicains ont accru la pression. Ils veulent dorénavant cibler des personnalités et toutes les entreprises, une centaine, qui sont impliquées dans le projet. Pour l'instant, l'Europe n'a pas cédé à la pression américaine, estimant que Washington défend d'abord le gaz liquéfié qu'elle veut exporter en Europe. On verra dans les prochains jours si le sort d'Alexei Navalny fait bouger les lignes. L'économie en bref, Dominique, avec tout d'abord les chiffres du commerce extérieur chinois très contrastés pour le mois d'août. Les exportations ont largement rebondi, plus 9,5% sur un an. C'est un rythme inespéré, c'est donc une très bonne nouvelle. En revanche, les importations restent en négatif, moins 2,1%. La consommation interne serait beaucoup moins forte que ce qui est attendu par les prévisionnistes. Merci beaucoup Dominique Bayard pour aujourd'hui l'économie. Nous vous retrouvons dans une heure pour parler de l'application Robinhood ou Robin des Bois en français. Bienvenue sur Radio Antigone, il est 10h32. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Et oui, déjà, je suis en retard. Ouais, ça commence merveilleusement bien. Ah bah là, c'est pas mieux. 10h32, un petit peu de retard. On fait un point sur l'info. Et tout d'abord, la rentrée des gilets jaunes qui sont de retour dans la rue, notamment à Paris, avec déjà plusieurs interpellations. À 10h, la préfecture de police avait déjà procédé à 52 interpellations et 17 verbalisations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien du tout. Au niveau je suis un petit peu perdu, hein. C'est un peu compliqué cette première grasse matinale. Les incendies en Californie qui sont toujours en cours, malheureusement, avec des milliers d'hectares qui ont déjà brûlé. Voici ce qu'il faut retenir du discours de Jean Castex à la suite du conseil de défense hier. Vous le savez peut-être, Jean Castex s'est exprimé après donc ce conseil de défense. Il a précisé que le virus circulait de plus en plus en France, comme on avait pu le remarquer. C'était en début de son allocution. Le taux d'incidence est passé de 57 cas pour 10 000 personnes à 72 cas pour le même nombre de personnes. Et je cite, pour la première fois depuis de longues semaines, nous constatons une augmentation sensible des hospitalisations. Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité avec une proportion toujours élevée de personnes âgées. Il note également que le virus circule principalement chez les jeunes qui sont heureusement asymptomatiques, mais qu'il finit inévitablement par toucher les personnes âgées. Mesures donc, circuit de dépistage renforcé pour les personnes prioritaires, la durée d'isolement qui passe de 14 à 7 jours afin de moins perturber l'économie et donc de mieux vivre avec le virus, Et Jean Castex qui a aussi précisé que l'évolution était de l'épidémie était préoccupante à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe. Il a également annoncé que 42 départements étaient désormais classés en rouge. Voilà pour ce point sur l'info. Nouveau rappel des titres, ça sera à 11h. Il sera un petit peu plus clair, un peu mieux préparé et ça sera avec nos partenaires de l'AFP Audio. Vous êtes sur Radio Antigone, il est 10h34. Du retard, beaucoup de retard. J'ai deux musiques de retard, je vais pas vous le cacher. On doit s'écouter Lenny Kravitz, mais tout de suite, voici Laurent Garnier, je vous l'ai promis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voici Crispy Bacon sur Radio Antigone. Sur Radio Antigone, Laurent Garnier, Crispy Bacon. À l'instant, voici les actus du numérique. Radio Antigone, les actus du numérique. Et oui, les actus du numérique sont de retour. Une rubrique phare de la case du soir. L'émission qui vous avait accompagné pendant tout le confinement. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la Surface Duo de Microsoft. Vous le savez peut-être, les smartphones pliables sont une des préoccupations des constructeurs de smartphones. Le principe est plutôt simple, un écran semblable à celui d'une tablette mais pliable en deux afin d'avoir le format d'un téléphone. Très pratique donc pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps tout en gardant une portabilité permettant un transport dans une poche. Encore faut-il qu'il soit bien fait. Le Galaxy Fold de Samsung a connu quelques difficultés à son lancement puisque certains écrans venaient à se fêler à l'emplacement de la pliure. Vous concéderez que c'est pas très très pratique. Microsoft s'est également lancé dans ce domaine avec sa Surface Duo tournant sous Android, oui, sous Android. Je vous propose de découvrir cet appareil grâce à une revue de presse des différents tests réalisés par les magazines et sites spécialisés. Direction tout d'abord le site TechCrunch qui considère dès la traduction de son article que c'est un appareil ambitieux qui correspond aux propres ambitions de Microsoft avec la ligne Surface. L'entreprise ne veut pas simplement être un fabricant de matériel informatique. Il y en a beaucoup dans le monde. Il veut être à l'avant-garde de la manière dont nous utilisons nos appareils en allant de l'avant. Ça, c'est ce que nous dit l'introduction de l'article. Une intro donc plutôt élogieuse qui ne continue pas de tout de suite puisque l'article précise que Microsoft a tenté une approche différente concernant le système d'écran. Donc, Microsoft a donc tenté une approche différente au niveau du système d'écran. Ce n'est pas un seul écran qui se plie, mais deux écrans connectés entre eux. C'est catastrophique. Je crois que je suis vraiment pas réveillé. Ah là là, je vais y arriver, hein, ça va aller. Donc, je disais donc, si mon réveil ne sonnait pas en même temps, ça serait bien. C'est une force puisque ça évite les problèmes qu'ont pu avoir les concurrents, mais également une faiblesse car cette combinaison de cache empêche de regarder une vidéo en plein écran. Bien entendu, Microsoft est loin d'être la première entreprise à adopter une approche à double écran. L'Axon M de ZTE l'a également fait. TechCrunch ajoute tout de même que Microsoft se distingue par une conception vraiment solide. Selon eux, il est clair que contrairement aux produits ZTE, le Duo a été créé à partir de zéro. Pour l'auteur de l'article, cet écart entre les deux écrans peut être un avantage dans certaines utilisations pour bien délimiter les deux applications ouvertes simultanément. Brian Hatter, l'auteur de cet article, nous fait remarquer l'étrange absence de compatibilité. Oh là là, c'est catastrophique. Nous fait également remarquer l'absence de compatibilité 5G tout en indiquant que ce manque permet certainement d'augmenter l'autonomie de la batterie estimée Je ne suis pas du matin, vous allez très très très bien le remarquer. 10h43 sur Radio Antigone. Je vous parle donc aujourd'hui dans les actus du numérique de cette Surface Duo. Faisons une petite revue de presse. On commence avec j'ai commencé avec l'article de TechCrunch et Brian Hatter, l'auteur de cet article, qui nous fait remarquer l'absence de compatibilité 5G tout en indiquant que ce manque permet certainement d'augmenter l'autonomie de la batterie qui est pour l'instant estimée à 1 jour et demi. En conclusion, TechCrunch trouve que $1,400 n'est peut-être pas un prix si élevé, mais que ça l'est par rapport à la grande majorité des smartphones et tablettes phares sur le marché. Surtout que pour quelque chose qui ressemble visiblement à un travail de première génération en cours, pour l'instant, Brian Hatter a l'impression qu'une part importante du prix est investie dans la nouveauté et l'adoption précoce d'un appareil promoteur, un avis qui est donc plutôt positif et du côté de ce premier site, ce qui n'est pas le cas de Meshul qui ouvre son article avec cette phrase: The Surface Duo is a unduck. Vous comprendrez, la Surface Duo est un étrange, curieux ou même bizarre canard en fonction de la traduction que vous donnez à l'adjectif. Le site français Frandroid traduit même cette phrase par la Surface Duo est un canard boiteux. Autant dire que cet appareil ne fait pas pour l'instant l'unanimité. Pour le français CNET, le plus gros problème serait Android. Oui, oui, toutes les pièces Android ne sont pas prêtes pour le Microsoft Surface Duo, nous dit-on. Et là, on en revient encore à ces deux écrans dont la gestion est mal prise en charge par le système d'exploitation de Google. D'après le journaliste de CNET, même les applications principales de Microsoft semblent bizarres sur le Duo et trop limitatives. En exemple, il explique qu'il est possible de faire glisser du texte entre les deux applications, mais pas des images. Voilà. Pire encore, certaines applications ne se redimensionnent pas automatiquement, un comportement que l'on observe également sur les Galaxy Z Fold 2. Bon, vous l'aurez compris, malgré les 128 ou 100 ou 256 gigas de stockage et les 6 gigas de RAM ainsi qu'une batterie de 3577 mAh, tout n'est pas encore au point, d'autant plus que pour couronner le tout, et encore une fois selon CNET, la carte graphique ne serait pas assez puissante pour faire tourner deux écrans en même temps. Voilà, voilà, autant dire que on est encore au tout début du travail pour ces appareils à double écran, ces smartphones à double écran. Alors je m'excuse pour ces actus du numérique qui étaient très chaotiques, hein. C'est le début, je ne suis pas du tout le matin, donc il va falloir que je m'habitue. Voilà, j'ai ma voix qui est totalement je ne peux pas pousser ma voix. Mais ce n'est rien, lui il sait pousser sa voix, c'est Lenny Kravitz avec son titre Fly Away et je vous retrouve dans l'horoscope juste après. Non, pas dans l'horoscope, pour l'horoscope, je ne serai pas dedans, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, c'est pas l'horoscope, c'est l'éphéméride d'ailleurs. Allez, ça continue, l'éphéméride dans 5 minutes. Lenny Kravitz avec Fly Away sur Radio Antigone. L'éphéméride. l'éphéméride qui sera normalement eh bien à 10h44. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment du retard. Hein. Il est 10h49 avec un bel éphéméride aujourd'hui. Nous sommes donc le samedi 12 septembre 2020, le 256e jour de l'année. Et nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Freddie Freeman, le joueur de baseball américain. Il a 31 ans. Et lui, il a 78 ans depuis ce matin. C'est l'emblématique Michel Drucker dont nous parlerons tout à l'heure à 11h51 dans les actus du dans les actus des médias. Sachez qu'il est né le 12 septembre 1942 dans le Calvados. Autre anniversaire, celui de la chanteuse française Mylène Farmer, 59 ans aujourd'hui. Je termine ces anniversaires avec Paul Walker, l'acteur de Fast and Furious qui aurait dû avoir 57 ans aujourd'hui. Nous fêtons ce samedi les Apollinaires et c'est aujourd'hui la journée mondiale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Autre journée mondiale, celle des premiers secours, troisième et dernière journée mondiale des programmateurs et développeurs. C'est un 12 septembre 1940 qu'un jeune apprenti mécanicien Marcel Ravida, qui avait 18 ans, élargit avec son couteau un orifice qu'il a découvert quelques jours plus tôt avec son chien. Il soupçonne en effet que quelque chose se cache derrière et son flair fut plutôt bon puisque ce sont les grottes de Lascaux qui s'y cachaient et donc ces grottes ont été découvertes le 12 septembre 1940. Un sujet un peu plus sensible, à présent un peu plus historique. 12 septembre 1983, le jour où les nazis ont enlevé Mussolini qui était assigné à résidence dans le nid d'aigle du Grand Sasso dans les Abruzzes. C'est également un 12 septembre 1990 qu'un traité de paix est signé à Moscou entre la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis, la République française, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un accord qui a ouvert la voie à la réunification des deux Allemagnes. Bonne journée et bon courage à tous si vous travaillez et bon week-end à tous les autres. Vous êtes sur Radio Antigone. Il est donc 10h52. Merci d'être avec nous dans votre nouvelle émission du week-end, La Case du Week-end. C'est Enzo et je vous accompagne de 10h à midi chaque week-end et c'est un plaisir d'être avec vous. Surtout qu'il y a un bon titre qui arrive puisqu'on a un petit classique à écouter, je crois. Ouais, le temps que je trouve le jingle. Vous voyez, je papote. Ouais. Le classique de la case du week-end. Le classique de la case du week-end, eh bien, le principe est tout simple. Voilà, hein, on ne s'embête pas avec le principe. Un titre que tout le monde a déjà entendu. Un grand classique de la chanson mondiale. Voilà. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter Earth, Wind and Fire avec le titre September 99. Oui, si je sais... mes chiffres en anglais. Donc September 99, le classique du jour de la case des week-ends, Earth, Wind and Fire sur Radio Antigone, 10h52, l'info dans 8 minutes. Bienvenue sur Radio Antigone, 10h55 avec Earth, Wind and Fire, c'était September 99 sur Radio Antigone. Voici votre case des médias. Radio Antigone. La case des médias. Et avant 11h, je vous parle de Radio France, oui, puisqu'il y avait un nouveau comité social et économique central de rentrée à Radio France cette semaine. Au menu notamment, bien sûr, le fameux plan d'économie de Sybille Veil. Voici ce qu'on peut noter donc de ce comité social. Sybille Veil a précisé qu'elle s'était battue pour éviter des économies supplémentaires et garantir le prochain budget. La priorité sera donc donnée aux départs volontaires aux retraites, avec environ 310 départs volontaires, 1 sur 2 remplacés et plus de 200 embauches. Selon elle, le projet n'est pas du tout le même qu'avant la crise. C'est pour ça qu'elle aurait parlé d'un projet sur l'emploi et qu'il y aurait un nombre conséquent d'embauches. La PDG insiste sur l'intérêt donc d'un RCC plutôt qu'un PDV. Bérénice Rovache a été chargée de tirer les enseignements de la crise du Covid-19, travail qui est censé avoir conforté les priorités stratégiques de Radio France. Parmi les conclusions qui sont listées, il y a la nécessité de proximité et de lien avec les Français. Il ressort aussi que la couverture de France Bleu et de France Info n'est toujours pas suffisante et qu'il va donc falloir l'améliorer. Au niveau résultat net de Radio France en 2019, eh bien, on est pratiquement à l'équilibre. Plus 113% pour les recettes numériques en 2019, et ça, c'est une grande victoire. Les objectifs de 2022, sont d'ores et déjà dépassés. Tandem, le cabinet qui a analysé la situation économique de Radio France, a constaté une baisse de 116 CDI entre 2015 et 2019. 237 salariés en CDI ont quitté Radio France en 2019, 30% partaient à la retraite. Ils étaient 42% en 2018. Les négociations avec les organisations syndicales ont également eu lieu hier. Je verrai si je vous en parle un peu plus précisément. En tout cas, les actus des médias, la case des médias revient dans un peu moins d'une heure. Voilà, on est normalement aux alentours de 10h50 et nous parlerons de Michel Drucker, je vous l'ai dit tout à l'heure. 10h58. Voici un petit peu de musique avant de retrouver la météo. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Qu'est-ce qui arrive au niveau musique? Regardons ça parce que quand même qu'on se fasse un petit peu plaisir. Ah oui, il y a l'initiative de la case du week-end. Je vais vous partager une initiative dont j'ai envie de vous parler. Vous allez voir, aujourd'hui, on va aller nager. Voilà, je ne vous en dis pas plus. L'actualité arrive juste après Manu Solo. Je suis venu vous voir. Ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, je me serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi. Toi que j'ai devenu compagnon d'un jour ou d'une année. Si flotte encore violence et tendresse, mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit avant d'être un corps. Je suis mort, mais rien n'est fini. Il reste ma voix et bien peu d'écrit. Oh, j'avais surtout une grande pour chanter des chansons d'amour pour Paris sur la petite scène du tour. Mes amis, ne pleurez pas. Le combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Oh. Je du sang plein les orbites, et même du plastique sur la bite. Je vais sûrement être calé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même pour lui dire ce que j'en pense. Et s'il veut, moi je prends sa place. Il y aura des filles et de la ganja. Des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des pommes envenimées et nous cracherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais et nous serons beaux pour ça. Je suis venu. Solo, je suis venu vous voir un titre de la playlist de Radio Antigone. Radio Antigone 11h02. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Le gouvernement fait le pari de la responsabilisation. Hier, pas de mesures drastiques à l'issue du Conseil de défense, mais plutôt un rappel de règles simples appelant à être prudent. Parmi les mesures annoncées par Jean Castex, à retenir le circuit de dépistage qui va être renforcé pour les personnes prioritaires. La quatorzaine sera réduite à 7 jours. En revanche, la situation est préoccupante à Bordeaux, Marseille ou en Guadeloupe. Les préfets concernés vont devoir remettre leur copie lundi au Premier ministre avec des propositions à échelle le plus locale pour stopper le virus. Aujourd'hui, 42 départements français sont classés en rouge. Les gilets jaunes, eux, sont de retour. Grand jour de rentrée avec des manifestations attendues aux quatre coins du pays, notamment à Paris, sur les Champs-Élysées. Le rassemblement est interdit. Et alors que les gilets jaunes s'apprêtent à manifester, le ministre de l'Intérieur a présenté le nouveau schéma national de maintien de l'ordre après les débats sur les violences policières et notamment en marge des manifestations jaunes. Parmi les mesures à retenir, l'utilisation de grenades à main de désencerclement moins dangereuses dès aujourd'hui. Chaque tir de lanceur de balles de défense lors de manifestations sera aussi soumis à l'accord d'un superviseur. À l'international, ravagé par les incendies, l'Ouest américain redoute de nouveaux morts. Les feux ont déjà fait 16 morts cette semaine. Quelques 500 000 personnes ont dû être évacuées et 20 000 pompiers restent mobilisés. Un mot de sport avec du tennis. L'US Open, Dominic Thiem s'est imposé en 3-7 en demi-finale de l'US Open face à Daniil Medvedev. Il rejoint donc Alexander Zverev en finale. Ce soir, c'est la grande finale pour les dames. La japonaise Naomi Osaka affrontera la Bélarusse Victoria Azarenka. C'est à partir de 21h. Et puis du football, la troisième journée de Ligue 1 à suivre à 17h Montpellier-Nice et puis à 21h à Saint-Étienne-Strasbourg. Hier, Bordeaux et Lyon se sont quittés bredouille. 0 partout en ouverture de la troisième journée. Merci à la rédaction pour ce point sur l'actualité. On passe à la météo. Et c'est une nouvelle fois avec la rédaction. Rebonjour. Bonjour à tous, la chaleur arrive, du soleil pour ce samedi avec quelques orages au niveau des Alpes et puis pour le reste, ce sera des nuages mais vraiment au pire, le soleil va dominer et je vous le disais, ça va chauffer localement, on pourrait atteindre des records pour un mois de septembre, ce record de chaleur qui va durer jusque mardi. Alors pour ce samedi, comptez entre 9 et 21 degrés le matin et l'après-midi, 21 degrés à Brest, 23 à Lille, 26 degrés attendus à Biarritz, 30 degrés à Bourges et à Lyon et 31 degrés à Bordeaux ou encore à Marseille. Merci beaucoup à la rédaction que l'on retrouve tout à l'heure à 11h05, bien sûr, mais oui, tout simplement. Non, à 11h05, qu'est-ce que je dis? Non, ça c'est l'heure. Que l'on retrouve à 11h30, bien sûr. Oh là là là là. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et oui, je suis là, il est 11h05, merci, 11h06 même, merci d'être avec nous dans votre nouvelle émission du week-end de Radio Antigone, la case du week-end. Merci à Xavier qui nous écoute, merci à Frédéric, merci à Matt, et merci également à Antoine, merci à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag LCW, la case du week-end. Voilà, je vous ai enlevé le D pour que ce soit plus simple, mais n'hésitez pas à mettre le D si vous voulez, LCDW ou LCW, pour réagir à cette émission. Nous sommes en direct jusqu'à midi, tous ensemble. L'initiative de la case du week-end arrive dans quelques instants. Je vous parle d'une initiative solidaire ou toute autre chose dont j'ai envie de vous parler. Il y aura bien sûr de la musique. Au niveau musique, on va s'écouter Ces Phases. Ça sera le titre actuel, donc un titre actuellement diffusé sur toutes les radios. Un titre de la playlist Antigone, ça sera Brit Metronomy We Broke Free. Ah, aujourd'hui c'est pas la totale. Mylène Farmer arrivera aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est son anniversaire, donc on va la diffuser. En plus, ça fait partie de la playlist Antigone, donc de quoi se faire bien plaisir avec des bons titres. Allez, on y va, voici l'archive pub. L'archive pub. Ah, vous ne vous y attendiez pas à celle-là. Oui, oui, une chronique que vous aviez beaucoup appréciée pendant les émissions du confinement. L'archive pub est de retour. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, il est très simple, hein. Nous écoutons une ancienne publicité en guise de souvenir. Une publicité qui peut bien dater des années 2000, comme de bien avant, hein. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, puisque pour la première case du week-end, je vous emmène dans les années 50. Et voici une publicité qui était à l'époque diffusée dans les cinémas avant les films et qui promouvait la marque Gibbs et ses dentifrices. Gibbs, Gibbs SR, le dentifrice super rafraîchissant, vous donne une merveilleuse sensation de bien-être. Souriez, souriez, Gibbs. Qui est à belles dents avec le dentifrice Gibbs SR. Rafraîchissant, rafraîchissant, super rafraîchissant. Souriez, Gibbs. Voilà pour cette publicité des années 50 pour les dentifrices de la marque Gibbs, marque qui a disparu depuis. Il faut savoir que cette marque n'était pas forcément censée vendre des produits de ce genre au départ, puisque Lucien Allègre, son créateur, souhaitait à sa création au début du XXe siècle importer du papier photographique et du parfum de Londres. La société Allègre et compagnie décroche ses premières commandes auprès des magasins réunis et des grandes et des nouvelles galeries à Paris. Très vite, elle leur vend notamment un produit révolutionnaire qui peu à peu remplace les traditionnelles poudres, le savon à barbe Gibbs. En 1906, Allègre tombe malade. La société s'associe alors avec Maurice de Madre qui, avec les 25 000 francs qu'il apporte, permet de lancer les parfums Imperium. En 1909, la marque se met à offrir à ses clients des échantillons, des crayons publicitaires et des présentoirs métalliques pour les produits Gibbs. Pour éviter les contrefaçons, la marque Gibbs est déposée en 1910. Grâce à son nouveau savon dentifrice, Gibbs devient connu et concurrence Colgate, l'autre marque française que l'on connaît tous. En 1914, Gibbs commercialise de la pâte dentifrice mise en tube. À partir de 1923, les produits Gibbs sont fabriqués à Saint-Denis, en France, en partenariat avec Monsieur Lever. L'entreprise a rejoint le géant Unilever en 1957. Voilà pour la petite histoire derrière cet archive pub du jour. Et merci au site lamalapapa.com qui m'a permis de trouver des informations concernant cette marque. Il est 11h10 sur Radio Antigone, l'heure de l'initiative. Et je n'ai pas de jingle. Oh là là, catastrophique, je n'ai pas de jingle. Oh, il arrivera, j'en ferai un, il n'y a pas de problème. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. avec cette initiative chaque jour aux alentours de 11h06. Bon là il est 11h11. Je vous partagerai une initiative dont j'ai envie de vous parler et de vous présenter. Elle pourra être solidaire, engagée ou toute autre chose. Et je vous emmène ce matin à Quiberon dans le Morbihan pour vous parler de l'Ultra Swim Challenge lancé par les sportifs Bernard Dufour et Yann Lancheche. Le 20 octobre prochain, ils vont se lancer dans un parcours de 10 heures autour de la ville afin de réunir des fonds pour l'association Trégor Goëlo Autisme qui lutte, vous l'avez très certainement compris, contre l'autisme qui touche plus de 700 000 personnes en France et 7 000 nouveau-nés chaque année. Les deux sportifs vont donc se lancer dans un parcours de 25 km presque exclusivement à la nage qu'ils vont parcourir en environ 10 heures. Pour réaliser cette performance dans une eau très froide à cette période de l'année, ils s'entraînent chaque semaine dans un étang de 200 mètres de long en nageant 10 à 15 km par semaine. L'entraînement est complété avec de la course à pied pour le cardio, 60 à 65 km par semaine. Pour l'association, ces dons vont lui permettre d'offrir de l'information aux parents et d'organiser des séjours pour les enfants autistes pour soulager les parents. Ce projet d'Ultra Swim Challenge n'est pas la seule action solidaire du sportif Yann Lanchec, puisqu'il a également accueilli le fils de la vice-présidente de l'association atteint de troubles autistes dans son entreprise d'assurance dans le cadre d'un stage professionnel. Dans des propos recueillis par le site actu.fr, Isabelle Desmaillis, la maman, explique que ces stages en entreprise permettent, je cite, de démystifier l'autisme. Elle ajoute que ce sont aussi des personnes extraordinaires comme Yann Lanchec et Bernard Dufour qui vont nager pour lui et tous les autres. Je termine cette initiative de la case du week-end avec une autre avancée à Lannion où se situe l'association Trégor Goëlo avec l'ouverture d'une classe spécifique pour les enfants autistes en cette rentrée 2020. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette très belle initiative, sachez qu'une cagnotte Litchi a été ouverte afin de recueillir les dons. Et puis si vous êtes dans le Morbihan, rendez-vous le jeudi 15 octobre prochain pour suivre cette performance sur place à partir de 6h sur la grande plage de Quiberon. Je vous mets toutes les infos sur les réseaux sociaux de Radio Antigone ainsi que sur le podcast de la case du week-end. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Le Musicator 2000 arrive dans quelques instants, juste après un peu de musique. C'est Métronomie que l'on écoute tout de suite, si je le trouve. Eh oui, voici We Broke Free sur Radio Antigone. sur Radio Antigone avec le titre We Broke Fish, un titre extrait de l'album The English Riviera de 2011. Mince. Le programme télé. Il se peut qu'il y ait une petite erreur dans le jingle. Ce n'est pas le bon, mais ce n'est rien. Un nouveau titre actuel arrive dans quelques instants. Le titre actuel, je vous rappelle, un titre diffusé actuellement sur toutes les radios. Mais tout de suite, voici donc le programme TV. On commence par TF1 qui vous propose un nouveau numéro de The Voice Kids. C'est l'épisode 4 et c'est à partir de 21h05. Sur France 2, eh bien, un des derniers épisodes de la saison de Fort Boyard, suivi à 23h20 d'un documentaire nommé Palace sur scène. Sur France 3, Meurtre en Lorraine à 21h02, suivi de la rediffusion de Meurtre à Strasbourg à 22h30. Sur Canal Plus en direct, vous pourrez suivre, si vous avez la chance d'être abonné, le match Saint-Étienne-Strasbourg, c'est de la Ligue 1 et c'est la troisième journée de donc la Ligue 1 Uber Eats. Sur France 5, à 20h50, Échappée Belle. Sur M6, la nouvelle série, retourne la série The Rookie, le flic de Los Angeles avec des épisodes inédits, donc à partir de 21h05. Sur Arte, un documentaire très intéressant sur les requins, 700 requins dans la nuit, je vais aller faire des cours de maths moi, 700 requins dans la nuit et c'est à 20h50. Autre programme intéressant, eh bien, vous avez les aventures du chapeauté, voilà, sur Gulli, si vous souhaitez vous amuser, voilà, tout simplement, rigoler un petit peu, donc c'est la série TV dessin animé diffusée sur Gulli, et puis sur l'équipe Canal 21, vous avez du rugby à 13, la Super League, les Dragons catalans contre Wigan Warrior, c'est la 11e journée de la Super League 2020. Voilà pour votre programme TV. Le titre actuel. Un nouveau titre diffusé actuellement sur toutes les radios françaises. Il s'agit d'un artiste français, C'est Phase, Depuis Toi. Les mots sont de trop, depuis toi plus rien n'est beau, rien n'a de goût. Fallait pas que tu t'en ailles, me laissant à bout. Bébé, y'a comme un défaut, dans ma tête ça tourne en rond et toi tu t'en fous. C'est la vie, c'est bye bye, plus rien ne tient debout. Et l'air de rien, tu vois, chaque jour se suit sans fin. Je délire. choix, c'était Céphase à l'instant sur Radio Antigone. À suivre, Mylène Farmer. Aujourd'hui, l'économie. Nous retrouverons une seconde fois Dominique Bayard de la rédaction des RFI avec qui nous allons cette fois parler de l'application Robinhood qui permet d'investir en bourse aussi simplement qu'un jeu d'enfant. Son succès est phénoménal, mais aussi très controversé. Oui, Robinhood, c'est la promesse de gagner beaucoup, beaucoup d'argent d'un simple clic sur son smartphone. Son ambition, démocratiser la bourse, d'où ce nom accrocheur. Robin des Bois, le héros qui prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Au nom de cette philosophie, le service est gratuit. C'est le premier courtier à le proposer. Il a été immédiatement suivi par les concurrents. Et la mise de départ peut être très modeste, sans contrôle, contrairement aux pratiques des maisons traditionnelles de courtage. Ces facilités ont séduit les plus jeunes, un usager sur deux à moins de 31 ans. Les Américains désœuvrés pendant le confinement se sont rués sur cette appli. Plus 3 millions de nouveaux abonnés entre janvier et avril. Au total, 13 millions boursicotes aux États-Unis via Robinhood. Pour le meilleur, l'un d'eux a amassé 100 000 dollars en quelques mois, de quoi rembourser sa dette étudiante, de quoi envisager tranquillement son avenir. Et pour le pire, un jeune de 18 ans, pensant à tort avoir perdu 730 000 dollars, s'est suicidé au mois de juin. Dominique, après ce drame, les fondateurs ont promis de revoir leur application et d'introduire des garde-fous. Oui, il y a vraiment de quoi faire. Robinhood a jusqu'alors volontiers utilisé les mêmes appâts que les réseaux sociaux en envoyant par exemple des pushs sur les positions de ses investisseurs particuliers, les incitant à revenir au plus vite vers l'application, créant en quelque sorte une dépendance, ou encore en déclenchant une pluie de confettis sur l'écran à chaque opération, comme si l'achat ou la vente d'une action était toujours une fête. Un univers qui ressemble à celui du jeu, sauf que les gains et les pertes sont bien réels, sauf que les clients ne connaissent pas ou très peu les règles du jeu. La moitié d'entre eux sont des novices en bourse, sans disposer d'informations précises sur les risques qu'ils prennent, sur le fonctionnement des marchés. Ils peuvent miser sur les actions, les crypto-monnaies et sur les options des produits financiers très complexes, réservés en général aux professionnels de la finance. Le succès de cette appli doit beaucoup à celui de Wall Street. Jusqu'à ces jours derniers, la bourse américaine n'a cessé de grimper, laissant croire aux débutants qu'il suffisait de miser sur les valeurs haussières pour gagner. On leur attribue d'ailleurs volontiers une part de responsabilité dans l'euphorie boursière des derniers mois. Et pour le moment, qui sont les grands gagnants de cette application ? Eh bien, l'appli censée redistribuer les gains boursiers aux plus modestes a d'abord fait la fortune de ses deux créateurs, deux trentenaires à la tête d'une start-up dont la valeur est estimée aujourd'hui à 11 milliards de dollars. La société se rémunère en vendant les données commerciales de ses clients à des grosses sociétés de trading. Un procédé légal, à condition d'en informer clairement les clients, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Robinhood. Le gendarme de la bourse américaine a donc lancé une enquête. L'entreprise risque une amende de 10 millions de dollars. Ses bénéfices cette année pourraient grimper jusqu'à 700 millions de dollars. Les actualités économiques en bref, Dominique, et au Nigeria, les médecins sont à nouveau en grève. Alors que le Covid sévit toujours dans le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest, plus du quart des médecins suivent le mouvement. Depuis lundi, ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures protections pratiques et financières face au risque de contamination. On termine avec AstraZeneca qui recule à la bourse après avoir suspendu son essai de vaccin anti-Covid-19. Oui, le laboratoire britannique évoque un contrôle de routine après l'apparition inexpliquée d'une maladie chez l'un des participants. Cette pause pourrait remettre en cause le calendrier vaccinal, d'où cette baisse à la bourse. Merci beaucoup Dominique Bayard d'RFI. On vous retrouve demain dès 10h23 pour une nouvelle chronique Aujourd'hui l'économie. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Allez, nous sommes repartis en musique avant de faire un point sur l'actualité de ce samedi. Bon week-end à tous, bon réveil. Merci d'être avec nous dans votre nouvelle émission du week-end. C'est la case du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Voici Mylène Farmer, désenchantée.

ground to a life consumed by slow decay. The grass was greener. vous rendormez pas. Non, ne vous rendormez pas avec Pink Floyd, Height Hopes. À l'instant sur Radio Antigone, dans votre... Ah, ça se lance, mince, attendez. Voilà, j'ai tout mis en automatique. Merveilleux. Ah, je suis fort. Donc, ne vous endormez pas, vous avez écouté Pink Floyd. Vous allez vous réveiller, hein, puisque le prochain titre actuel, c'est Offenbach, le dernier Offenbach, qui va donc bien vous réveiller. Ça arrive dans une dizaine de minutes. Et puis, avant, il y aura The Cooks avec Bad Habits. Radio Antigone. Les actus du numérique. Deuxième actu du numérique de votre case du week-end du samedi. Il y en a deux par jour, deux à chaque émission, quatre par week-end. Et je vous parle d'un nouveau service, oui. Deezer a un nouveau rival en France pour la musique en haute définition, puisque Amazon a annoncé le lancement ce jeudi de son service Amazon Music HD, déjà disponible depuis l'an dernier aux États-Unis. Le géant du e-commerce annonce la disponibilité de 60 millions de titres en qualité CD, c'est-à-dire 16 bits, taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, et des millions de titres supplémentaires en qualité Ultra HD et en écoute haute résolution, c'est-à-dire encore plus, hein. On est sur du 24 bits jusqu'à 192 kHz, soit une résolution de 5730 kilobits par seconde. Si je fais un calcul, là, on est sur du à quoi, titre de comparaison, là, le flux que vous écoutez est en 128, hein. De 128 à 7500, à 5700, il y a quand même un petit peu, hein. Donc vous voyez un petit peu la qualité proposée par ce nouveau service. Donc c'est la meilleure qualité de streaming disponible en fonction de votre connexion réseau qui sera donc proposée par ce service, hein. Il faut quand même compter une connexion d'au moins 1,5 mégabits seconde pour votre appareil. Cela pourra être un produit de la gamme Amazon, hein, Amazon Echo, Fire TV, Fire Tablets, ou tout simplement un smartphone compatible iOS, Android, une tablette, mais également, et ça c'est bien aussi, des systèmes audio de marques partenaires tels que Bose, Sonos, Pioneer ou même Sony. Les casques et enceintes et casques, oui, bien sûr, quelle belle liaison. Les casques et enceintes devront être compatibles avec une plage dynamique d'au moins 20 kHz pour l'HD et 40 pour l'Ultra HD. Donc, si vous avez des appareils de Forus, Paradigme, Audiolab, Fusion, Sonos, Denos, Pioneer, eh bien, vous pourrez peut-être écouter avec votre musique à une qualité exceptionnelle grâce à ce service. Alors, l'option choisie par Amazon, une qualité exceptionnelle, est une façon de se démarquer des deux ténors du marché, Spotify et Amazon Music, qui restent en qualité audio MP3, nettement plus compressée, mais déjà largement audible et déjà bien performant, hein. Le service premium promet donc de l'audio sans perte. Alors, niveau tarif, eh ben, on est sur un beau tarif bien concurrentiel, hein, puisque ça arrive au tarif de 14,99€ par mois, 19,99€ en offre familiale jusqu'à 6 utilisateurs. Et sachez que pour fêter son arrivée, les 3 premiers mois d'abonnement à Amazon Music HD sont offerts et sans engagement pour les nouveaux abonnés. Si vous bénéficiez déjà d'Amazon Music, vous pourrez tester le service Amazon Music HD sans frais pendant la même durée. À titre de comparaison, Qobuzz propose un tarif de 19,99€ par mois pour une qualité inférieure. Tidal propose une offre à une qualité Master Hi-Fi au même prix, 19,99€. Et Deezer Hi-Fi est proposé à 14,99€ par mois, donc pour un son de qualité CD, CD FLAC, hein, à 1411 kilobits seconde. Bon, sincèrement, hein, entre les qualités FLAC de Deezer et les qualités d'Amazon Music HD, si vous ressentez la différence, eh ben vous avez vraiment de très bonnes oreilles. Radio Antigone, 11h46, vous êtes dans la case des week-ends, la première de la case des week-ends. C'est un peu compliqué, hein, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais ce n'est rien, voilà. Ça ira mieux demain, je serai peut-être un peu plus réveillé, j'arriverai peut-être un peu mieux à articuler, vous me comprendrez peut-être un peu mieux, je ferai des phrases au niveau de la syntaxe qui seront un peu plus françaises, voilà. On verra ça, hein, ça devrait être mieux, voilà. Ça va s'améliorer, j'espère, en tout cas. En tout cas, lui, il n'a pas besoin de s'améliorer. C'est The Cooks avec son titre Bad Habit, que l'on écoute tout de suite. D'être avec nous sur Radio Antigone, c'était The Cooks à l'instant avec Bad Habits dans votre case du week-end. Et le jingle ne part pas. 10h, midi, la case du week-end. Merci à tous d'être avec nous, il est 11h50, dans 10 minutes vous aurez rendez-vous avec Radio Antigone Midi et son radio journal, un radio journal de 10 minutes pour tout savoir sur l'actualité, mais nous sommes ensemble pendant encore 10 minutes qui vont nous permettre de parler notamment du sport. Avec les actus du sport, tout ce qu'il faut savoir des actualités sportives de ce samedi, avec tout d'abord en tour de sport l'abandon de Romain Bardet, victime d'une chute hier et un bilan qui est tombé, une commotion cérébrale pour Romain Bardet. S'il a réussi à finir l'étape, ils ne partiront donc pas ce matin pour la 14e étape et abandonne. Il était 11e au classement général à l'issue de la journée d'hier. Du tennis maintenant et l'US Open. Leur dernier duel remonte à fin janvier en demi-finale de l'Open d'Australie. Dominic Thiem et Alexander Zverev respectivement vainqueurs de Daniil Medvedev et Pablo Carreño dans le dernier carré, s'affronteront pour un sacre à l'US Open, le premier en grand chelem pour l'un ou l'autre. On rappelle que Djokovic a été disqualifié lors d'un match cette semaine. Actualité foot maintenant et sponsor Neymar qui officialise son contrat de sponsor avec la marque Puma. Il s'affiche déjà sur les réseaux sociaux avec des produits. De quoi peut-on parler d'autre ? Eh bien, il y a bien sûr de la Formule 1 ce week-end puisque nous sommes le week-end. Les essais libres qui sont en cours actuellement, et c'est les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui ont été une nouvelle fois les plus rapides lors de la deuxième séance d'essais du Grand Prix de Toscane. Ils vont tenter de confirmer leur performance actuellement. Les essais libres sont les essais libres 3 seront en direct sur francetvsport.fr à partir de 12h hors du début. Donc de ces actualités essais libres. Voilà, j'ai du mal à articuler. Mais ce n'est rien. Et bien voilà pour ces actualités sportives. On termine avec de la NBA. Les Celtics qui, grâce à une superbe performance de Jason Tatum, ont eu le dernier mot contre le champion en titre Toronto pour avancer en finale de conférence Est, tandis que Denver reste en vie à l'Ouest après avoir réduit l'écart face aux Clippers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les Raptors ont été hier vainqueurs face aux Forceps, 92-87. Voilà pour les matchs de la NBA. De basket, c'est un peu chaotique aujourd'hui, hein. J'ai un peu de mal, je m'améliorerai pour demain. Bien sûr, ça va aller mieux petit à petit, ouais. Niveau technique aussi, j'espère que j'arriverai à mieux articuler demain, que j'arriverai à former des phrases un peu plus françaises. Eh bien, allez, on passe au site. Oh là là. Je suis trop près du micro en plus. J'arrive pas à parler, c'est catastrophique. Donc, ça va aller mieux. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est parti. Voici le dernier titre actuel. Le titre actuel. Voilà, peut-être que ça va le faire. Est-ce que je l'ai, le titre actuel ? Non, toujours pas. Allez, petite dédicace à Antoine, le président de Radio Antigone, qui a bien remarqué que le micro était saturé et qui s'amuse à renommer la case du week-end la case saturée. Ouais. C'est très drôle. Je retiens. Allez, le dernier titre actuel, un titre diffusé actuellement sur de nombreuses radios, sur toutes les radios musicales françaises. Il s'agit d'Offenbach avec, attention, tenez-vous bien, je vais essayer de prononcer en français, Head, Shoulders, Knees and Toes. Oh, pas mal. My heart. Offenbach, Held, Shoulders, Knees, Claw et Stose sur Radio Antigone. Le dernier titre actuel et la dernière musique de cette case du week-end. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Radio Antigone. La case des médias. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans l'éphéméride, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je vous ai promis que j'allais en parler. Michel Drucker, oui, vous savez, il est toujours indéboulonnable, toujours sur les chaînes, sur les antennes de France Télévisions, et plus précisément sur France 2. Tout le monde se demande bien sûr combien de temps il va rester. Eh bien, c'est Stéphane, oh là là, Stéphane Cibon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, a répondu à cette question qui se pose régulièrement dans un entretien accordé aux Parisiens. Eh bien, il a affirmé que l'animateur emblématique de l'émission Vivement Dimanche et de plein d'autres émissions de France 2, des émissions événementielles également, resterait à l'antenne. Pour lui, il n'y a aucun problème à ce que cet animateur reste à l'antenne, et même le plus longtemps possible. Il dit même, c'est rare dans le monde, un animateur qui a plus de 50 ans de télévision et ce lien avec le public, et nous tenons à le préserver. Donc pour tous ceux qui, en voyant Michel Drucker, se disent, il est encore là, eh bien ne vous le dites plus, dites-vous, il sera encore là pendant quelques temps. Voilà, voilà pour cette case des médias. Prochaine case des médias, prochaines actus des médias, c'est demain, bien sûr, dans la deuxième case du week-end. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'avoir été avec moi pour cette première de votre nouvelle émission quotidienne. Bah quotidienne non, pour votre émission du week-end. Voilà, nous allons nous quitter et nous retrouver demain en meilleure forme, j'espère. Vous voyez, j'ai essayé pas mieux là. Ah, ça a été comme ça toute l'émission, je sens que c'est comme ça. Voilà, je n'arrive plus à parler. Demain, je vous le promets, ma syntaxe sera beaucoup mieux. Mon articulation aussi, ma voix sera encore mieux. J'aurai peut-être un peu plus de souffle, j'espère. Et puis on se retrouve demain avec de la très bonne musique, des chroniques comme aujourd'hui. Voilà, et encore mieux, et une meilleure qualité sonore au niveau de la réalisation. Je m'excuse encore pour ces petites difficultés, et je vous dis à demain. Allez, salut, bonne soirée sur Radio Antigone. Dans un instant, le Radio Journal, Radio Antigone Midi. Tous les podcasts de Radio Antigone Tour sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.